pas très fier, c'est dont mes textes témoignent. Égaré, j'suis taré, j'vais me barrer, laissez-moi. J'ai joué, j'ai échoué, là ça fait des mois que l'espoir est mort et qu'un par un tous mes vieux rêves s'éloignent. Mais j'demande pardon, j'ai pas fini mon steak. J'ai jamais dû écrire une pièce, s'il vous plaît, sur un carton. Le temps est mauvais, l'homme n'est pas bon. Il a épilé la forêt et flingué la mer au harpon. Qui mènera loin sa barque, qui mènera bien la danse. Le jour où ça pète sa race, ce sera chacun sa chance. Un couplet sans barrière, une soirée comme les autres. Un mot qui vole plus haut, une bouteille dans la tête. Mani, c'est ça la fête, la violence c'est pas bien. La drogue ça sert à rien, la vie c'est pas de la merde. Épuisé, je nage dans le froid, au cœur de la noyade. L'espoir c'est effroyable, il suffit de croire en soi. Y'a bien longtemps que je ne les écoute plus, ces bâtards me dégoûtent vu. L'ampleur que ça prend, on est foutu, je n'en doute plus. Affalé dans mon lit, on pourrait faire la fête là-dedans. T'as bien bossé toute ta vie, t'as plus qu'à profiter de ta mort. La jeunesse cache son mal-être, le fric dans la mallette. J'ai voulu montrer ce que je valais, ils m'ont dit de passer le balai. Le monde est plein d'injustices, c'est dur de les réparer. Moi j'ai qu'un coucher de soleil, un couple est bien préparé. Oui, j'ai cru en leur sornette, mais je sais désormais. Le temps ne nous rend pas meilleurs, le temps nous rend bornés. Oui, j'ai commis des erreurs, je n'ai pensé qu'à moi, j'avoue. Je veux reconquérir son cœur, mais son nouveau mec est jaloux. Noyé dans l'ironie, sans accepter la défaite. Je suis venu relater des faits pour mes hypers et mes ronies. On s'en tape de vos carrières, allez niquer vos vieilles mères. Vous êtes ensemble IAR, sauf pour quelques billets verts. On m'a dit vas-y t'es libre, mais hésite l'équilibre. Reste dans ton délire, loin de ceux qui nous déniquent. Faudra lire entre les lignes, trouver les mots qui délivrent. L'histoire est belle, c'est à toi d'écrire le livre. On m'a dit vas-y t'es libre, mais hésite l'équilibre. Reste dans ton délire, loin de ceux qui nous déniquent. Faudra lire entre les lignes, trouver les mots qui délivrent. L'histoire est belle, c'est à toi d'écrire le livre. Personne peut revenir en arrière, par contre t'as la suite en main. Essaye de vivre ta vie sans barrière, mais Boug et moi on l'a fait. 2018, bien et mal font la paire. Faut toujours y croire même quand c'est délicat. Il faut 10 ans de victoire pour la décima. Chacun à son échelle, on écrit son histoire. Page après page, on prend des piges mais on faiblit pas. Ta story peut s'arrêter à tout moment, à tout moment. Garde ceux que t'aimes près de toi. Je laisserai personne me dire qu'on a plus toutes nos chances. Y'aura de la vie tant qu'y aura de l'espoir. Ma vie est tellement floue, je sais plus quand c'est le week-end. Écoute cette voix et prends ça pour mon requiem. Je vois couler le sang des hommes, on fait quoi sans la cam? Je redonne le chant des morts, elle fait sa danse macabre. Je soulève ma double cup et puis je dis santé à la nôtre. Putain, sur 7 milliards, y'en a pas un qui rattrape l'autre. Seul c'est dur des fois, je ressens ma peur, je vais m'étouffer. Jeunesse bruxelloise, malgré ce qu'ils disent, on est soudés. Un côté sombre comme Batman, mais je suis pas un justicier. Je m'en fous que tu lises dans ma main ou bien que tu tires le tarot. La trentaine avance à grands pas, faut que je vise le magot. Catégorie Saiyan, on a plus besoin de se justifier. Dans la vie, je me plante à force de la fumée. C'est comme toute bonne chose, faut pas en abuser. Je sais pas et je m'en bats les couilles comme Kevin. Dans ce rap, attends pas de son pauvre débile. Vive de sa passion, on dirait c'est mon choix. Encore deux épisodes. Bientôt la saison 3, le temps file, tel un paquet de clopes en réseau. Embrasse ta famille, prends tes potes dans tes bras. J'suis dans mes pensées, avec mon doobie. On se dit santé, quand on s'arbousille. Non j'fais pas le thug, j'ai mes crâles blunt. Y'a pas de mission impossible, les sauts étonnent. On m'a dit vas-y t'es libre, mais hésite l'équilibre. Reste dans ton délire, loin de ceux qui nous déniquent. Faudra lire entre les lignes, trouver les mots qui délivrent. L'histoire est belle, c'est à toi d'écrire le livre. On m'a dit vas-y t'es libre, mais hésite l'équilibre, reste dans ton délire, loin de ceux qui nous déniquent. Faudra lire entre les lignes, trouver les mots qui délivrent. L'histoire est belle, c'est à toi d'écrire le livre.